No homo, mais Daniel Craig. Franchement, no homo. J'aime pas les hommes. Hein. Vraiment pas. C'est pas du tout mon truc. Mais Daniel Craig. Bang, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Franquette. Ouais, un épisode spécial où on fait des nouvelles intros, on tente des choses. Exact. Ça, c'est beau. En plus, t'as vu, c'était extrêmement bien joué. On a fait un pas de côté. Ouais. On est rentré avec un vieux signe comme ça à la pan. Nice. Il n'y avait même pas de bruitage, à moins que tu fasses un montage incroyable. Donc, je le mettrai peut-être pour la blague. Mais oui, parce que c'est un épisode qui est spécial. Mais pourquoi est-il spécial? Parce qu'on va parler de ton idole à toi. On n'a pas encore fait de podcast sur Spider-Man. Ça, je le regrette énormément. Mais on va s'attaquer à ton idole à toi. Donc Alors, j'ai pas envie de faire un épisode avec Spider-Man, car tu as une tenue de Spider-Man qui est extrêmement moulante. Oui. Et ça me gênerait pendant 50 minutes de t'avoir en moule-bite Spider-Man à côté de moi. Je peux mettre une serviette par-dessus. Sur la tête? Ouais. Ah, cool. C'est ce qu'il me faut. Mais non, j'aurais un masque de toute façon. Un masque incroyable. Ah, parce que tu veux garder le podcast, tu veux garder le masque pendant tout le podcast? Ça paraît une mauvaise idée. Non, effectivement, on va parler de Mr. Daniel Craig. James Bond. Voilà. James Bond, comme on l'appelle entre nous. Enfin, James tout court d'ailleurs. James, ouais. Qui est effectivement mon acteur préféré. Tout film, tout genre, tout être humain confondu. Pour sa prestance, son jeu. Son charisme. Ouais, son charisme. Son charisme. Et son jeu d'acteur. Non, qui est, je trouve qu'il a vraiment une présence en fait. Ça doit être le genre de personne, quand il est dans une pièce, tu sens qu'il est là, tu vois. Genre, ah ouais, là, genre, je sens une aura qui émane de cette personne. La plupart du temps, c'est soit une odeur, mais là pour le coup, je suis sûr que c'est vraiment une aura, comme on appelle ça. Non, franchement, que ce soit dans les répliques, que ce soit dans le style, que ce soit dans tout, il est vraiment parfait en tant que James Bond. La première fois que j'ai vu que ça allait être lui, je me suis dit... Mais comme beaucoup de gens, se sont dit, oh là là, un blond aux yeux bleus, très massif en plus pour James Bond, alors que normalement c'est un petit peu le flegme britannique gentleman. Voilà, exactement. Pour moi, dans ma tête, c'était Pierce Brosnan ou rien. C'est ça. Le monde ou rien. Ou alors Sean Connery pour les plus vieux. Ou effectivement un dégât de PNL. Hein. Ça, c'est prochain sélectionné pour le prochain. Non, mais effectivement, on en parle parce que, il y a le premier teaser trailer. Du dernier. Je crois que pour le coup, c'est un teaser. Hein, parce que pas réellement un trailer, je crois. Ah, pour moi, les teasers, ça dure genre 10 secondes. Genre comme le Joker quand on avait vu. Ah, c'est plus des teasers, ça. Ouais, pour moi, ça, c'est un teaser et un trailer, c'est. Une minute et quelques. C'est ce qu'on a vu. Il faudrait voir comment ils l'ont appelé, mais. Ah oui, ils l'ont appelé trailer, j'ai pas fait gaffe. Moi, j'ai juste regardé la vidéo, j'ai fait. Oh mon dieu, mon dieu. James Bond, t'as cliqué. Vraiment, genre. une demi-seconde, c'est. Parce que là, on est jeudi, c'est sorti hier, c'était la chose de ma journée. Genre, j'ai une to-do list et c'était la seule chose. Et en plus, tu l'as pas trouvé, il a fallu que moi, je te l'envoie. C'est vrai. Mais en plus, pour être tout à fait franc, j'ai trouvé des versions. Mais qui n'était pas celle-là, en fait. Ils avaient remis les anciens extraits qui étaient passés sur Instagram, donc avec des coulisses, machin. Des gars qui avaient fait, tu sais, genre « New Awesome Trailer », machin. En fait, c'est la pire chose. Genre, la qualité est nulle. C'est téléchargé, c'est ultra pixelisé. Enfin, c'est vraiment... Mais bon, ça clique, donc c'est moi, contrairement à toi, moi, je l'ai eu dans mes recommandations directement. Ils savent pas qu'ils sont les vrais fans, j'ai envie de dire. Non, effectivement, mais que ce soit dans James Bond ou dans d'autres films comme Layer Cake, il a fait un Tomb Raider aussi, d'ailleurs, avec, j'allais dire Lara Croft. Avec Angelina Jolie, ouais. Ah bon, il est dedans? Ouais. Ah bon? T'as envie que je te re-spoil vite fait ou pas? Bah, moi je l'ai vu qu'une fois quand j'étais petit et je le reverrai pas, donc vas-y. Ah ouais, si je me souviens bien, c'est le méchant du film d'ailleurs, donc voilà. Quoi? Oh, c'est pareil. Mais dans Layer... Enfin, après, tu m'as demandé à moi si tu voulais me spoiler, mais eux, on leur a pas demandé. Non, mais c'est une mise en garde évidente. Est-ce que t'as envie que je te spoil? Les gens, ils entendent en fait, donc ils vont se dire, ok, il va spoil. Ouais, mais ils savent pas quand est-ce que ça va spoil. Tant mieux pour vous. Non, vraiment, c'est un excellent film, donc... excellent film. C'est peut-être la nostalgie qui parle, parce qu'on est toujours plus gentil et... comment on appelle ça? Moins critique, je sais ce que tu veux dire. Indulgent. Voilà, indulgent. Yes. Avec les... J'avais le mot anglais, mais si j'avais fait « C'est quoi le français pour... » Tous les gens auraient fait « Oh là là là là !» Ce que moi, je comprends. Même moi aussi. Ce que je comprends, mais c'est chiant en fait. Genre, vraiment, si c'est la seule façon que t'as de trouver le mot, autant le dire, tu vois. D'ailleurs, je m'en bats les couilles. La prochaine fois, je le dirai, c'est tout, il n'y a pas de... voilà. Par contre, on a un petit verre de whisky, car dans Skyfall, il avait été foutu en l'air. Hein, petite ref. Donc, on va tout de suite mettre deux mangas, Dragon Ball, meilleure chose, en dessous pour éviter les bruits de verre, car tous les épisodes qu'on a fait avec un verre sur la table, tel ceci. Oui. Vous avez détesté. Et des gens nous ont fait la remarque, notamment Alexia, hein, mais bon, bref. Ouais. Notre ami, quoi. C'est... D'accord, super. Donc, tu bois avant qu'on trinque. Bah, va bien te faire. Non, mais c'est bon. Mais c'était pour la blague. C'était... Ouais, je te baise. Alors... Ouais. Non, mais il est vraiment bon dans... Ah, décidément, je ne suis pas... T'es pas fan du Jack. Du Jack, non. Pour moi, non. C'est vraiment du whisky commercial, tu vois. Ouais. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais ça se voit que c'est un whisky qui a été fait pour plaire au plus grand nombre et que c'est surtout un truc très... Moi, comme mon palais n'est pas très travaillé pour l'alcool, pour l'instant, j'apprécie. Mais en plus, je vois... En fait, pour l'instant, ça m'attaque encore tellement le palais, l'alcool, comme ça, ouais, que je vois pas tellement de différence entre ça et un whisky un peu mieux. Tu vois. C'est vrai ? Ouais. Pourtant, je t'avais offert ce duc. Ce duc, qui est donc le whisky de Booba. C'était pour ton anniversaire, non, je sais plus. Non, c'était pour fêter ton départ à Paris, non ? Non, pour mon retour. Ton retour pour de mon Paris. Retour à Paris, je crois. Ouais. Fêter ton départ. Ouais, tu t'en vas. Ouh. Ah, quoi que. Je crois que c'était pour ton départ parce que tu partais pour une mission lucrative. Oui, voilà, j'avais exactement envie de fêter ça. Bon, c'est voilà, évidemment, c'est surtout du packaging qui profite de l'aura de Booba et tout. Le whisky en soi est pas mauvais. Il est très sucré par contre. C'est vraiment un whisky festif plus que de dégustation. Ouais. Typiquement le genre de whisky qu'on va boire en boîte ou alors avec des potes en soirée et tout, mais pour les fins palais, ce n'est pas forcément le meilleur. Ouais, surtout pour ce prix-là finalement. Il coûte c'est 50 euros je crois la bouteille, ce qui est excessivement cher. Déjà le Jagda... C'est 20... Quand t'es un gamin, 20. Tu... Ouais, quand t'es un gamin, le Jagda c'est... Mais super cher. Oh non. C'est genre, mais l'alcool c'est trop cher. En fait. Mais grave, c'est ça que... Bon, ce qui est bien aussi, parce que sinon on aurait beaucoup plus de problèmes je pense... Oh oui. Pareil, si fumer c'était pas si cher, moi j'aurais déjà un paquet de clopes dans la bouche directement. Alors je sais que c'est une blague, mais en vrai c'est triste quand même. Parce que là, je crois que bientôt ça va passer à 10 euros le paquet de clopes. C'est hallucinant. Ouais, c'est ouf. Après. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui arrêtent de fumer vraiment à cause de ça. Pour c'est le vrai, coup. tant mieux. Mmh. Mais pour les gens qui n'y arrivent pas, ouais, c'est vraiment très, très dur en fait. Parce que bah, eux, ils dépensent des 1000 et des 100 pour des paquets de clopes. Après, on les a pas forcés à commencer. On peut pas tout excuser non plus. Hein, voilà. Mais bon, en tout cas, on peut tous s'en sortir. D'ailleurs, pour ceux qui veulent arrêter la clope, je connais une super appli qui s'appelle Quit, je crois, K-W-I-T. Ah, j'en ai entendu parler. Et c'est vraiment cool, en fait. C'est tout un calendrier qui traque, donc qui suit tes progrès par rapport à l'arrêt du tabac et tout. C'est vraiment cool. Il y a, je crois qu'il y a aussi des trucs motivants et tout. C'est vraiment bien. Ouais, genre, ça te dit le nombre de jours que t'as passé sans, l'argent que t'as économisé. Ouais, c'est vrai. Comment tes poumons ont pu se restaurer pendant cette période et tout. C'est vraiment pas mal. C'est mieux que... Bah, arrête la clope, en fait. Attends, mais c'est mes conseils. Ce qui marche assez peu. En général. Mais voilà, James Bond, bon. Lui ne fume pas, hein. Daniel à part la concurrence. Oh oui. Je suis aussi un homme de lettres. lui ne fume pas. Il boit juste des martinis au shaker, pas à la cuillère. Exact. Sauf quand il perd des millions de dollars et que du coup, il en a rien à foutre. Oui. Ce qui est la suite de la référence. Si vous avez vu Casino Royale, vous avez la référence. Ouais. Enfin, moi, je l'aurais pas eu si je l'avais pas vu récemment. C'est vrai ? Non, je pense okay. pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. Ouais, effectivement, ça fait partie personnellement de mes films préférés. Non pas qu'ils soient spécialement... que ça soit une critique sociale de la société. Une satire. voilà, une satire. Oh là là, j'ai un mot, j'ai un mot français. Mais j'aime beaucoup l'univers qui est développé là-dessus, et notamment celui de Daniel Craig, qui, je trouve, est d'une part cohérent, parce qu'on a revu le dernier de... Attends, c'était quoi Bah, on a vu Casino Royale. Non, mais celui avec, avec Pierce Brosnan, où il est sur la banquise, là. C'est Mourir un autre jour, oui, je crois. Oui, je crois, c'est ça, ouais. Avec Halle Berry et... C'était Halle Berry ou Sophie Marceau? Halle Berry, ouais. Halle Berry. C'est celle qui a joué Catwoman. Ouais. Et exact, c'est vrai. Et j'aurais préféré ne pas m'en rappeler, d'ailleurs. Très, très bon film. Mais ce film, c'est avec faux. Pierce Brosnan, en fait, quand tu le regardes sans l'indulgence de l'enfance, c'est genre... C'est hallucinant. Franchement, c'est vraiment ridicule, quoi. Tout ce qui est la voiture invisible, les cascades, les trucs, c'est... C'est vraiment ouais, avec lourd, les guns qui sortent de partout sur les voitures, les missiles, les roquettes téléguidées. La voiture qui se retourne comme ah ça. Oui. Ah ouais. C'est vraiment. Mais c'est après, ça fait partie du charme du truc, mais. Ouais, c'était les James Bond à l'ancienne. Et à partir de Casino Royale, ils sont devenus beaucoup plus terre à terre. Ça, c'est beaucoup sérieux. Plus musclé, c'est beaucoup plus réaliste. Ça fait partie aussi de l'époque actuelle, c'est-à-dire qu'il parle des problèmes d'intelligence artificielle, ce genre de choses, ce qui rend la chose hop, on va éviter que ce chat fasse tomber le trépied. Ce serait fâcheux pour ce chat qui mourrait, c'est sûr. Non, bien sûr que non, mais je lui en voudrais beaucoup. Tu lui en veux déjà, c'est comme ça constamment. Dès que je le vois, j'ai une haine viscérale pour cet être poilu qui ne comprend rien, regarde. Mais non, regarde, là, il est très intelligent. Il se dit, je vais pouvoir aller là-bas. Ouais, je vais pouvoir rester suspendu pendant 5 secondes pour rien, puis sauter pour rien. Enfin bref, non, c'est... Voilà, bref. Et effectivement, avec cette époque, Daniel Craig, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'effectivement, c'est très musclé. Et il joue sur ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement... Toi, t'aimes bien les hommes musclés, c'est ça? J'adore ça, moi. Attention, bien sûr, à tout ce qui est homme viril, avec de l'huile. Oh, attends, mais... Là, c'est... Quoi? C'est de l'attirance, là. Non, mais... No homo, mais Daniel Craig. Franchement, no homo. J'aime pas les hommes. Hein. Vraiment pas. C'est pas du tout mon truc. Mais Daniel Craig... Après, bon, il y a The Rock aussi, quoi. No homo, mais The Non, Rock. Mais The Rock, franchement, je suis... En fait, c'est soit le papa parfait, soit le pote parfait, tu vois. Ouais. C'est... Moi, j'ai... Y a mais pas un amant... Pas du tout. Alors que Daniel Craig... Non. Non, je rigole, bien évidemment, mais il y a vraiment quand même cette envergure... En plus, j'ai un truc affectif par rapport à lui qui est aussi... qui ressemble un petit peu à mon grand-père. Vu que Daniel Craig est un acteur anglais et que le côté de mon grand-père, c'est tout ce qui est Belgique et la Manche. Il y a un petit peu tout ce physique qu'on retrouve et tout. Et ça m'a toujours le parlé. Le physique de roast beef, quoi, finalement. Le physique de bon roast beef, mon pote, les fish and chips, c'est où ils passent. Hein. Dans les oreilles, et le nez, et partout. Non, d'ailleurs, on en a parlé. Oui, les fish and chips. On en a parlé quand ouais, on a fait quand le... quand on a fait le vlog. C'est terrible, hein, terrible. Ouais, pas ouf. C'est vraiment... Ouah, ça doit y avoir des restos des qui vrais le font bons, vraiment bien. Ça doit être bon. Mais on est allé dans la fameuse franchise Popeyes. Poppies, pardon, et c'est vrai qu'on prononce ça comme ça. Et c'était pas bon du tout. J'ai vraiment regretté. Non, moi, j'ai pas haï, mais ça pas vraiment mec, pas ça ouf. N'avait pas de goût. Bah, pas ouf du tout, quoi. Ça n'avait pas de goût. Le poisson qu'on a eu, ça n'avait pas de goût. Voilà. Mais bon, je suis sûr qu'effectivement, dans des vraies bonnes brasseries ou des trucs qui sont spécialisés là-dedans, ça fait plaisir. Est-ce que tu aimes bien son côté costume, bien sapé, toujours, même en mission? Bien sûr, mais en fait, justement, c'est ce que je voulais dire avant, c'est qu'il y a ce côté très viril et ce pan où le gars est le comment dire, limite bestial, quoi. Ouais, c'est ça, fort. Tu vois. Mais ils savent totalement en rire, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils arrivent à le désamorcer, tu vois. Ouais. Genre, quand il dans Spectre. Tu parles du truc avec le chandelier, là. Le chandelier, ouais. Là. C'est très drôle, en fait. Si vous avez vu Spectre, vous savez de quoi on parle. En gros, au début, il y a une destruction d'un immeuble. Il tombe sur un canapé, déjà, vraiment ouais. Comme ça. Ouais, assis. Et il se demande un peu où il est. Tu vois, il se dit, oh putain, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il regarde dans sa main, il a un chandelier auquel il s'était accroché ouais, ouais. Pour rester suspendu. Du coup, il le jette comme ça. Ouais, ouais, nonchalamment. S'ils avaient vraiment fait un truc à la Avengers ou quoi. Ah, quoique, il y a quand même beaucoup, Avengers, de, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'humour, c'est vrai. Non, mais je trouve qu'il est, il est moins... Peut-être Mission Impossible. Il est moins fin que dans un... Non, ah, tu rigoles, je trouve Mission Impossible beaucoup plus léger que, ouais, que c'est James vrai. Bond. Hein. C'est vrai. Mais plutôt DC Comics, si on voulait comparer ouais. des univers très spectaculaires et tout, ce serait... voilà. Et ouais, du coup, ce qui me plaît beaucoup par rapport à ce James Bond, c'est qu'effectivement, il a un côté extrêmement viril, tu vois, un ouais. peu à l'ancienne de vrai bonhomme et tout, enfin, ce genre de cliché, tu vois. Mm-hmm. Et en même temps qu'ils arrivent à désamorcer ça avec des vannes ou des moments qui sont peut-être un peu plus intimes, ce genre de choses. Et c'est cool, ça fait un personnage qui a une vraie profondeur, en fait, comparé ouais. à, par exemple, Pierce Brosnan, où c'était juste un gentleman séducteur. Voilà. Bah, c'est Daniel Craig, ça. Tu viens de décrire Daniel Craig. C'est une des facettes Daniel Craig. Décrire Daniel Craig. Attends, mais je suis rappeur, moi. Je fais du rap. Si vous voulez le découvrir dans un autre contexte que les James Bond, il a fait Layer Cake, qui est pas mal. Alors, toi, t'as pas trop aimé. Moi, j'étais pas trop fan. Cela dit, tu t'es endormi plusieurs fois. Ce qui n'aide pas à suivre un film, en général. Bah, j'arrivais pas à suivre, donc je me suis endormi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais non, sinon, il y a aussi À couteau tiré, qui est un film qui est au ciné. Qui est sorti récemment, là. Récemment ouais. et dans lequel il joue c'est très drôle, c'est très drôle. Très marrant. Et c'est aussi ça que j'aime avec le personnage, c'est que quand bien même il est musclé, extrêmement bien taillé, tu sais, il a vraiment une mâchoire carrée machin, par exemple dans Un couteau tiré, il est vraiment il est presque ridicule, en fait, tu vois, ouais. sauf le dernier acte, il est où, très voilà. fort, mais des fois il est ouais. il est un peu ridicule. c'est vraiment très drôle, c'est une bonne comédie aussi, À couteau tiré. Ça change des éternelles comédies américaines qui sont souvent les mêmes. Là, il y a vraiment il y a tout un fusil de Tchekhov avec certaines choses, c'est-à-dire on présente des trucs au début et à la fin ça sert et tout, donc c'est très cool. Ouais, et puis toi, ça te... En fait, ce film, c'est un peu un Cluedo géant. Ils en font Exactement. Même la référence. Blague, ouais, une référence dans le film. That's cool. Et ouais, c'est pour ça qu'il est vraiment très bien. Il y a beaucoup de retournements de situation jusqu'à la fin. Mm. Bon, toi, t'avais trouvé, mais on se demande qui est le tueur, parce qu'il y a un tueur dans exact. L'histoire. Et ouais, il est vraiment très bien. Et ouais, il y a un bon cast. Il y a notamment Chris Evans, donc on en parlait avant avec Avengers. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est très connu pour Avengers, alors qu'en vrai, il a aussi été, par exemple, dans Scott Pilgrim. Moi, je l'ai découvert dans ce que, je crois que je sais plus si j'ai vu Captain America ou Scott Pilgrim en premier. Enfin, ça a été mon premier contact avec cet acteur et qui, je trouve, en plus, ça a l'air d'être humainement une crème, tu vois. Ouais, il a l'air sympa. Donc, c'est cool. Et il y a aussi effectivement celle qui joue Martha dans Un couteau tiré, qui sera la James Bond girl du prochain James Bond. Mais on l'a pas vu dans le trailer là. Si. Si. Ouais. Ah, j'avais pas capté. Okay. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte. Le trailer envoie du pâté pour utiliser une expression que plus personne, heureusement, n'utilise. Mmh. Oh là là, moi, ce qui m'a surpris dans le trailer, c'est le moment où il saute à moto en roulant sur un escalier qui est presque à la verticale. Là. Mmh. C'est impressionnant. C'est vers le début, ça, je crois, non? Ou alors à la fin, quand ça s'enchaîne. Je crois que c'est à la fin, ouais. Ouais. Ouais. Il y avait une scène similaire un petit peu dans Skyfall où ils sont sur les toits du Grand Bazar à Istanbul. Mmh. Et toi, t'as adoré ça. Oh, qui était... Franchement, on n'entendait pas du tout le thème de James Bond, et la première fois qu'on l'entend dans le film, c'est à ce moment-là, avec la course-poursuite extrêmement dynamique et tout. C'était... Si, on l'entend au début quand ça fait « Tadam ». Oui, ok, mais pas la musique. Voilà, la fameuse mélodie, tu vois, en crescendo et tout, comme ça, avec la course folle où ils détruisent des villes. La course folle. Bah, j'adore Taxi, moi, c'est bien. C'était délirant. Hein. J'adore Taxi. Une conduite délirante. Sami Naseri, c'est... c'est James Bond. C'est pour moi, c'est James Bond. Le prochain James Bond, Sami Naseri. Bah, déçu, directement. Je me suicide. Waouh! Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait pirater! Ou alors, c'est juste que on n'avait pas assez de piles, en fait, dans l'enregistreur. C'est très exactement ça. Du coup, là, tel que vous nous voyez, encore une fois, il s'est passé une seconde pour vous, mais nous... Moi, j'ai couru au Lidl à côté, là, hein, pour aller chercher des piles pour monsieur l'enregistreur. On arrive ici. Finalement, on a quand même regardé, encore une fois, le trailer de James Bond avant de revenir... Pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir. Le plaisir n'a aucune limite. Se remettre dans le bain. Et nous voilà maintenant pour continuer ce podcast. Ah, frais comme des gardes. Et toi qui a tapé ma lampe et qui est tombé, finalement, donc ça fait plaisir. Comme ça, tous les gens peuvent voir que des affaires sont cachées chez... Qu'est-ce que ça veut dire ça je parle le fourche-langue. Des affaires sont cassées chez toi, oui. Et tu ne les changes pas, tout n'est qu'apparence. Alors cette lampe, c'est Batou qui l'a cassée. Oui, bah ton chat, il est cassé. Bon allez, j'ai autre chose à faire. Hein. Il a tout cassé chez moi. Ouais, enfin bref, voilà, du coup, bon, allez. Bon allez, on a autre chose à faire. Hein. Enfin bref, voilà, du coup, James Bond, du plaisir. Du plaisir en bas. Tu vois, c'est comme, juste une dernière chose, puis après on passera à autre chose. J'ai une question d'ailleurs à te poser. Oui. Mais ouais, juste pour revenir sur ce côté polyvalent de Daniel Craig, c'est que ouais, il a joué dans plein d'autres films où il est excellent d'ailleurs. Il y a un film qui existe, je sais, ou alors c'est une série, je sais plus, où il a les cheveux longs. Ouais. Et c'est très vieux. Vu des photos. Ça a genre 30 ans et tout. Et bon, c'est peut-être la seule photo que j'ai vue de lui où je me suis dit, là il est pas ouf là. Comme quoi. Alors que 100% des autres photos, c'était waouh. Ouais, vraiment, vraiment. Quel beau gosse. Mais du coup, voilà, c'est impressionnant. Et effectivement, par rapport à son côté polyvalent et par rapport au côté polyvalent de la nouvelle R. James Bond, qui touche à sa fin, du coup, avec lui, puisque c'est son dernier film, il en aura fait 5. Et pour la petite anecdote, si vous ne le savez pas, il a signé pour plus de 200 millions de dollars. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit 200 millions, il a fait non. Non, c'était pas 100 millions, il a dit non. Non, j'en suis quasiment sûr. Ah bon ? J'en suis quasiment sûr. Attends, tu me mets le doute. Genre 100 millions au début, il a dit non, ils ont dit 200, il a fait bon, ok. Non, je sais plus. Tu me mets le doute, t'as peut-être raison. Mais en tout cas, il a touché un cachet énorme pour le film. Donc, j'espère qu'il sera à la hauteur de tes attentes, au moins, au minimum, quoi. Ce serait la base. Parce que bon, voilà. Moi, je touche 200 millions pour être James Bond, je peux te dire que je deviens l'agent secret le plus stylé du monde. Hein. Si tu touches 200 millions, ouais. Bah, ouais, le mieux payé aussi. Du coup. Le mieux payé. Probablement. Parce que la vie d'agent secret, ça doit être... Bon, c'est forcément un milieu de ce qu'il y a dans les films, bien évidemment, mais il doit quand même y avoir cette envergure de double jeu, parfois de double vie, tu vois, de pouvoir... parce qu'en fait, en gros, finalement, ce sont des acteurs, puisque ce sont des gens qui doivent infiltrer des réseaux, ce genre de choses. Et qui du coup doivent parfois apprendre un métier, une langue et tout, c'est impressionnant. Mais tu veux dire comme la police qui s'infiltre dans les cités par exemple ? Bien sûr. Ouais, ouais, je les vois. Ouais, ouais. Vous avez pas un 10 balles la street ? C'est pour le frérot. Excuse-moi, mais t'es pas d'ici en fait, on te connaît. Si, si, je suis de la cité d'à côté, celle des bois fleuris bleus. Ça n'existe pas. Si, si, mais vous y êtes jamais allé. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux acheter ? Je vais prendre un 10 balles. J'ai ça, tiens, voilà, un 10 balles. Ouais, merci Rouya. Ok, nickel. Et la baisse, hein. Je vais pas partir en prison pour Allez, ça. Hein. L'argent, non, non, pas du tout. Merci. Coffre-le. Quoi Non, non, mais c'est vrai que bon, c'est marrant. À mon avis, à part les policiers de la BAC, et du coup, tout le monde sait que ce sont les policiers de la BAC, donc ils sont pas infiltrés du tout, tu vois. Mais il doit y avoir, je pense qu'il y a vraiment très peu de bons policiers infiltrés, ou alors c'est des gens qui, je sais pas. Déjà, ils sont captés après, direct à cause de l'accent marseillais. Si, hein. Si, bien sûr, parce que tous les policiers sont marseillais. Bonjour, j'aimerais acheter de l'héroïne, s'il vous plaît, ou toute autre substance psychotrope. Pourquoi est-ce que tu as l'accent du sud, mon frère ? On est dans le 91, là. Oui, c'est bien, mais je suis policier. Je suis pas d'ici. Pas d'ici, ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. À la fin, ça devient. C'est devenu un vrai. En fait, c'est un triple infiltré. Ouais. C'est un mec de cité infiltré chez les flics, infiltré en cité. Waouh, ça devient complexe. En tout cas, la question que je me pose du coup, c'est que là, je suis en train. Enfin, je disais que est-ce qu'il y a des bons infiltrés ? Mais en vrai, les bons infiltrés, on n'en entend pas parler. Mm-hmm. Donc, ils existent. C'est juste qu'on ne les connaît pas. Ils sont partout dans nos villes. Peut-être que moi, je suis infiltré. Non, ça c'est impossible. Pourquoi ? Je te connais. Mec, non, je suis... Non. Si, je suis infiltré. Non, non. Si, si, de ouf. Non. Je mène une double vie. Voilà. Je te l'apprends, je vous l'apprends. Wow. Je ne suis pas celui que je parais être. Du coup... Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas de... Non, mais je cherchais du coup cette information, mais il faudrait que je tombe direct dessus. Oui, donc ta double vie, alors, c'est quoi? Ouais. Bah, je vis ici à Schiltigheim pour infiltrer un réseau, quoi. Un réseau de quoi? Bah, si je le disais, je serais démasqué. Si on était un podcast raisonnable, d'ailleurs, on dirait ne buvez pas d'alcool, les jeunes, ou alors avec modération. Mais on n'est pas vos parents, c'est pas à nous de faire votre éducation. Exact. Si vous n'écoutez pas vos parents, eh ben, c'est pas notre faute. Mais faites attention quand même, parce que l'alcool fait faire des bêtises. Oui. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait faire des bêtises. Mais ça fait plaisir. Après, voilà, chacun ses propres limites. The sky is the limit. Hein. Stratosphère is the limit. Lithosphère is the limit. C'est une référence à un vieux sketch de Jérôme Niel, qui a vraiment peut-être 10 ans maintenant. Ouais. C'était La ferme Jérôme sur MTV. C'était pas ça? Ah si, peut-être ça. Si, déjà, quand il parlait d'un artiste, ouais, c'est ça. À chaque fois. Et en gros, c'est un gars qui se fait tatouer The Sky is the Limit. Et il discute avec un journaliste qui lui dit « Au-dessus du ciel, il y a la stratosphère, en fait. » Et il fait « Quoi ?» Quoi? Et du coup, après, il y a cut, on le retrouve plus tard, où il y a écrit « C'est barré, il y a écrit stratosphère is the limit. » Et le gars dit « Ouais, mais au-dessus de la stratosphère, il y a la lithosphère. » Et après, il fait « Oh, mais non, mais c'est bon, ça fait super mal, ça fait deux fois que je change. » Après, il a encore changé. C'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Ouais, c'était marrant. Ouais, c'est marrant, ça. C'est marrant, ça, l'ancien YouTube. Oui, qui a bien changé. Qui a bien changé. Bon, pour le meilleur comme pour le pire, on a eu le cancer de tout ce qui est vidéo type clown tueur et tout, que je hais viscéralement. Ou les mecs déguisés en djellaba qui posaient des fausses bombes avec la musique Run. Quelle horreur, ça. Ben ouais, surtout dans un climat pareil. Après, on peut se poser la question de... déjà, peut-on rire de tout? Moi, je suis partisan du fait que oui, ça dépend juste de la personne avec qui tu es, tu vois. C'est peut-être pas toujours forcément le bon moment, etc. Il y a aussi une forme de respect à avoir, tu vois. Mais globalement, tu peux rire de tout. D'ailleurs, c'est un excellent... remède. Ouais, c'est un catalyseur, tu vois. Tu veux dire, comme la fois où j'ai écrasé une biche. Ouais. Et que j'étais vraiment pas bien pour ça. Je m'en voulais énormément. Allez. Et tous les jours après, tu me rappelais, tu me disais des trucs du style, je te rappelle que t'as quand même tué un être vivant. En plein milieu d'une conversation qui n'avait aucun rapport et tout. Et du coup, ça m'a fait dédramatiser. J'aurais me donné son avis et je disais, oui, mais est-ce qu'on peut prendre l'avis de quelqu'un qui a tué une biche en compte voilà. Non, mais c'est malheureux, tu vois, ça arrive, tu rentres tard le soir et tout. Bon, bah, ça une fois que c'est fait, c'est... Ça, on peut plus rien changer, quoi. Après, bon, t'es un bel enfoiré. Je suis un bel enfoiré. Mais mince, je sais plus ce que je voulais dire. C'était par rapport au YouTube que tu détestais là avec les pranks et tout. Ouais, non, je sais plus. Oui, du coup, l'humour. Est-ce qu'on peut. Oui, du coup, on peut en rire. On peut rire de tout, ça dépend avec les gens. Mais pas maladroitement, quoi. Voilà, ça, il y a une forme de respect. Effectivement, c'est un catalyseur comme toi avec ta biche, tu vois, où. Ou encore récemment, par exemple, l'autre jour, t'as fait tomber ton iPhone XS, dont la vitre, toute la vitre est fissurée comme ça, vraiment. Alors qu'il est neuf, il a un an, tu vois. Je déteste. Et ça, genre, c'est trop marrant, en fait. Non, c'est pas. Non, pas du tout. Ça ne l'est pas. Moi, ça me fait rire. En plus, vous savez quoi? Il a été fissuré pile à la limite de là où j'ai l'écran vert trempé et la coque. C'est ça, il y a la coque, la vert trempé, il est tombé entre les deux et ça a brisé toute la glace. Franchement, la probabilité pour que ça arrive, quelque part, t'as de la chance. Non, franchement. Attends, mais ça s'appelle de la malchance, du coup. Bah non, t'as malchance, t'as de la chance. Après, on va regarder déjà. Ok. Et manger là, une pizza. Oh, oui, bien sûr. Attends, mais au dernier podcast, on avait dit qu'on mangeait une pizza après ce qu'on a fait. On mange des pizzas tous les jours. Faut qu'on se voie plus souvent pour faire des podcasts. Je suis tout à fait d'accord. Tous les jours, tous les repas, on mange. Podcast pizza. Et on fait un podcast de pizza. On ouvre une pizzeria, une marque de pizza et tout. Oh, le business plan. Oh là là. Oh, le business plan. Oh. Désolé pour vos oreilles. Ça. Les oreilles, ça sent... c'est comme le cul, ça se lave. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Tu voulais juste la placer, il n'y a aucun lien. Ou comme les liens qui retiennent Daniel Craig dans cette cave de fer où il est torturé dans Casino Royale, par exemple. Exactement. On parle de ces liens-là. Oui, par exemple. Où il dit, ça c'est me bien, gratte tu... un peu sur la gauche. Là. Bien sûr, bien sûr. Tu retombes c'est toujours ça, sur tes pattes hein, sur le sujet. C'est fou, c'est incroyable. Ouais, si tu continues de m'insulter... Je t'ai pas insulté. Tu me gratteras les couilles et comme ça, je vais te tuer et tout le monde sera mort. Tout le monde saura que t'es mort en me grattant les couilles. Encore une référence. Hein. Okay, mais je peux en faire des milliards. Hein. Attention. Bon, ah, encore une, encore une. Tiens, attends. Tiens, voilà. Oh, veuillez m'excuser, cette dernière main a failli me tuer. Waouh. Bon, normalement, c'est dans un contexte de poker extrêmement luxueux, ce qui est beaucoup plus classe. Plus qu'une poignée de main, finalement. Voilà. Où j'aurais pu avoir juste un électrocuteur et ça aurait été nul, du coup. Exactement. Exactement. Waouh, quoique. Tu n'as jamais fait cette blague. Si, moi j'avais le. Le chewing-gum. Oh, viens, on parle des petits gadgets d'espion quand on était enfant, tu vois, les trucs stupides. Les stylos laser. J'avais le chewing-gum, ouais, c'est ça. Le chewing-gum, tu sais. Une marque qui n'existe pas. Il en reste qu'un dans une boîte qui non, est comme ça. C'est pas genre il est rempli, mais il y en a que un qui sort. Genre ah moi j'avais il en reste qu'un. Ah ouais moi ouais. Je dans mon ah ouais, souvenir il y en avait plusieurs carré, ouais. Donc des faux ouais. Et au milieu il y en avait un qui sortait. Du coup la personne le prenait lui. Voilà. Et il se prenait un coup. Ah ouais putain pas bête ça. Ouais mais ça fait genre tiens un ouais chewing-gum. C'est trop bizarre. Tiens tu veux genre, un genre il chewing-gum? Est déjà sorti et tout. Ouais c'est bizarre. Ouais, il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Il y avait l'encre sympathique, là. La fameuse encre invisible qu'il faut chauffer. Ouais. D'ailleurs, quand j'étais enfant, j'étais fasciné par ça parce que une fois, j'avais essayé d'en faire et ça n'avait pas marché du tout, tu vois. Et parce que la recette n'était pas bonne, en fait, j'avais mis beaucoup trop d'eau pour tout ce qui est citron et tout ça. Ouais. Du coup, ça ne sortait pas et j'étais là en mode, attends, mais c'est incraquable comme code, c'est sûr. Bref. Tu te dis, ce que j'ai écrit restera à jamais. À jamais. Enfoui. Et heureusement, parce t'avais que mis... c'est ce que j'ai marqué. T'avais mis quoi? T'avais j'ai mis Daniel Craig, je t'aime. Nomo. Nomo, bien sûr. Et tu, en plus, c'était même pas encore dans James Bond à ce moment-là. Donc, 2000, Daniel, Casino Royale, c'est 2006. Donc, ouais. Ouais, clairement pas. Ça fait 13 ans tout de même. Hein. 13 ans. Donc, j'avais 10 ans quand Casino Imagine, Royale. Et je là, m'en il a, très bien. J'ai regardé, il a 52 ans, je crois. Il est si vieux. Je crois qu'il avait moins de 40 ans dans le premier James incroyable. Bond. Mais ça se voit, il est beaucoup plus. Entre Casino Royale et le dernier. Bah tu sens qu'il a ouf. Pris 13 ans en fait. Oh là là, mais moi ça me fait mal. Ça me fait toi, mal. C'est... En fait toi ta référence, ton référentiel du temps qui passe c'est Daniel Craig. Franchement, les vois, rides de Daniel Craig. Honnêtement, le jour où il mourra, là ça va me faire quelque chose. Ouais. Parce qu'on a tous des gens comme ça, un peu des légendes, tu vois. Moi quand je vois Tobey Maguire aujourd'hui, j'ai mal. Pour moi, c'est un mec qui avait 20, qui a toujours 20 ans. Est-ce qu'on le voit encore, d'ailleurs? Il, c'est mais un fantôme. Je suis sûr qu'il est devenu un vrai super-héros. Et que du coup, c'est pour ça qu'on le voit plus. Oh, bah ouais. Il cache son identité. Non, mais à mon avis, sa carrière a un peu été foutue en l'air par Spider-Man. C'est-à-dire que ça lui a collé à la peau comme bah, son costume. Je crois qu'en plus, il détestait. Maintenant, il déteste qu'on lui dise « Oh, Spider-Man !» Même qu'on lui dise « Oh, je t'ai adoré quand j'étais petit. Tu as été le soleil qui a illuminé ma vie. » Et lui, tout de suite, fait « Je te déteste. » Bah, c'est comme le gosse qui joue Kevin McAllister dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Il a fait une grosse dépression, un truc de ouf, tu vois. En même temps, c'est dur quand t'es un... Bon, pour le coup, Tobey Maguire n'était plus un enfant, mais... Quand t'es à ce point, du jour au lendemain, ultra populaire, ultra connu, que t'es demandé partout et que tu deviens le visage de la pop culture, enfin d'un élément de pop culture, ça, il faut ça quand même désorientant. Ouais, tout le monde ne peut pas encaisser, je pense. Ouais, grave. Eh mais attends, bon rien à voir. Hein. Wow. C'est une discussion d'amis à amis. Mais il y a pas un petit Star Wars là qui sort dans quelques jours? Eh bien, le 13 décembre. Le 13 décembre. Ah ouais. Ouais. Donc ça serait dans 9 jours. Non, mec, on aurait eu de la pub. J'aurais ouais. pas encore entendu parler. Bah, moi j'ai vu le trailer hier en allant voir Jumanji 2. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah, au cinéma quand même, d'accord. Ouais, si. Dans ma tête, c'était le 9 décembre jusqu'à récemment et j'ai vérifié il y a pas longtemps. Attends, et c'est mais d'ailleurs, tout se recoupe parce que tu sais que le réal de Hakuto Tiré, c'est celui de Star Wars 7. C'est vrai ? Ouais. C'est qui ? Star Wars 8, attends. Star non, c'est Star Wars 9. 7, c'est Rian Johnson. Ah, ok. Ok. Mais ouais. Attends, j'arrive pas à trouver la date de sortie. Ouais, un petit Star Wars en fin d'année, ça fait toujours plaisir. Hein. Écoute, qu'on aime ou qu'on aime moins les derniers. Ce qui fait surtout plaisir, c'est que là, c'est l'aboutissement de la saga. Hashtag ouais. énorme paquet de fric qui va continuer, bien évidemment. Mais bon, là, c'est la fin d'un cycle et j'ai envie de voir. Parce que pour l'instant, il y a tellement de questions qui n'ont aucune réponse. Que j'ai vraiment envie de savoir juste pour savoir qu'est-ce qu'ils ont développé en fait, jusqu'où ça va, parce que là spoil, attention, dans 3, 2, 1, mais effectivement on sait que du coup l'empereur Palpatine est de retour avec une flotte qui est hallucinante. Donc comment est-il de retour, comment a-t-il survécu, où a-t-il sauvegardé cette flotte? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont revenir? Est-ce que c'est lui physiquement, ou alors est-ce que c'est seulement son esprit via la force, comme Yoda apparaissait dans le 8 là? Enfin, tellement de questions. Est-ce que du coup Anakin peut-être aussi va revenir en force, en Dark Vador et tout? Ça serait intéressant de voir un duel, alors pas physique, parce qu'à mon avis c'est mort étant donné qu'il est mort, mais un duel entre Dark Vador et Kylo Ren, tu sais, les deux chevaliers noirs, entre eux, parce que lui ça a toujours été son idole. Mais le chevalier noir, c'est pas Batman? Ah, il est dans Star Wars? Bah oui. Quoi? Imagine, c'est le même univers. En vrai, c'est possible. C'est juste c'est un univers où il y a énormément Y a pas de... la Terre dans le... Enfin, on voit pas la Terre dans l'univers. Non, mais peut-être que même James Bond, c'est dans Batman. Oh! Tout est lié. Voilà. Putain, ce serait incroyable. Peut-être que Mario Bros, c'est dans James Bond. Ça, non. Ça, c'est quoi? Non. Ça, c'est non. La princesse Peach. Je refuse. C'est la James Bond girl, la princesse Peach. Non, parce que les James Bond girls, quand même, dans James Bond, sont certes des femmes qui sont des intérêts amoureux, voire sexuels pour le protagoniste, mais c'est toujours quand même des gens qui l'aident à avancer, qui détiennent... Des femmes fortes. C'est ça, la plupart enfin, du temps. Surtout dans les derniers. C'est vrai que dans Casino Royale, c'est pas tellement une femme forte, c'est surtout une femme qui est un peu bloquée dans sa situation et qui se laisse avoir malheureusement par James Bond pour avoir quelques informations. Tu sais, elle est mariée au gars, là, Ellipsis, tout ça, je me souviens pas trop de son nom. Et voilà, mais effectivement, après, on a Monica Bellucci. Oh, quelle femme. Quel homme, quelle femme. Chacun ses préférences sexuelles, hein. Moi je juge pas. Quoi? Non, mais... Au calme. Il n'y a pas de... mais du coup, ouais, voilà. Ouais, comment elle s'appelle, la française? Léa Seydoux, ok. Et c'était Eva Green dans Casino Royale. Eva Green aussi. Eva Green est magnifique, française. Très belle femme. C'est une française qui a passé... elle est née... Alors, sa mère... sa mère, je sais plus quel métier elle fait, mais son père, je sais qu'il est genre chirurgien dentiste en France, suisse français, ouais. Ah oui, okay. Un truc du genre comme parce ça. Parce que ouais, je l'ai vu dans une interview combinée où elle parlait parfaitement français, et ah ouais, je me suis rappelé que elle parlait parfaitement français. J'ai vu l'interview passer, mais je l'ai pas écouté. Mais du coup, je savais plus si elle était française aussi, elle a pris un coup, hein. Ouais. Physiquement, ouais. Elle a vieilli. Bon, après, c'est normal, tout le monde vieillit, tu vois. Sauf Pharrell Williams et P. Diddy. Et le troisième, c'est... comment il s'appelle, Keanu Reeves. Morgan Freeman. Enfin, lui, il est vieux depuis qu'il est né, en fait. Ouais, c'est ça. Il est vieux. Il est vieux, et il n'a jamais vieilli, du coup. Un vieillard. Genre, il accouche sur le bébé, c'est un... Bah, c'est Morgan Freeman, c'est... il a 80 ans. Au bord de la mort, mais il est là depuis le début. Oui, bienvenue dans ce nouveau documentaire sur l'espace, déjà. Vraiment, Morgan Freeman, c'est Dieu. Ouais. C'est Dieu pour beaucoup de gens. Maintenant, c'est vraiment le visage de Dieu. Bah oui, en fait, il a joué Dieu une fois et maintenant c'est. Après, je trouve ça cool. Il vieillit plus, donc. Moi, je trouve ça cool que si tant est que Dieu est une figure physique, que ça soit un homme noir avec du coup les cheveux blancs, empreint d'une certaine sagesse. Moi, je trouve ça cool. Bon, après, effectivement, du coup, on n'a pas le côté asiatique. C'était ou alors dans d'autres... Bruce Tout-Puissant, non ? Ouais. Mais bon... quel bon film. En tout cas, en tant que Dieu, je trouve qu'il passe bien. Ouais, s'il faut absolument personnifier une entité comme très ça... Très bon, il y a un Dieu tout trouvé, quoi. D'accord. Je veux dire, non. Quoi ? Il est en face de toi. Ouais. Et ouais, mon pote. Un bus ? Mais non, une personne en face de toi. Toi ? Mais oui. Mais quoi ? Ah, t'es sérieux ? Bah oui. Ah ouais. Moi je pourrais faire Dieu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mec, tu passes grave bien. On a un problème de câble, hein. Ouais, et un petit souci. C'est fou parce qu'à chaque fois. Bon, non, ah. À chaque fois, bah, c'est pas grave, je vais parler. À chaque fois, on n'en achète pas. Parce que quand on les reteste, il n'y a aucun problème. Et tout d'un coup, c'est de temps en temps, ça revient. Ce qui est extrêmement, extrêmement embêtant. Extrêmement agaçant. Extrêmement agaçant, c'est-à-dire. Petite référence à un sketch d'Adrien Méniel qui est très très drôle, qui s'appelle L'équipe des meilleurs. Exactement. Petite bise à lui et Flaubert. Ah ouais, qui ont un podcast ainsi excellent. Que... comment il s'appelle, Vincent Tirel dans oui. Le clip. Dans le clip. dans le sketch. Wow, je vois des clips partout. Le clipper clippé. Le clipper fou. ouais, dans ouais. Le sketch est vraiment très drôle. Honnêtement... au niveau de l'humour français, la team Adrien Méniel, Flaubert, Vincent Tirel, Mister V, c'est peut-être les quatre qui, je trouve, où l'humour est le plus efficace, tu vois. Bon, Mister V. En tout cas, dans notre génération. Voilà, Mister V, c'est bon, très. Même si Adrien Méniel, un peu vieux, mais. Ne lui dis pas ça. Sinon, il va bientôt la mort, hein. par exemple, tu vois, on parlait avant d'humour qui permet de d'extérioriser. Moi, j'adore quand quelqu'un fête son anniversaire avec ma mère, c'est encore plus drôle surtout. Je le fais surtout avec ma mère, en fait. Je lui dis alors, un an de plus, bientôt la mort. Ce qui est drôle dans le soi, parce que ma mère ne enfin, c'est pas qu'elle comprend pas le second degré, mais c'est pas le premier truc qui lui passe par la tête, tu vois. Ouais. Ce qui fait que la plupart du temps, elle fait, soit elle fait une réponse extrêmement premier degré, du coup, ça va mourir de rire, parce que ça donne des situations, genre, une fois, elle m'avait montré une photo d'un chat en Corse, et j'avais dit, oh, trop mignon, mais pourquoi il a pas de fusil? Parce que bon, la Corse, la mafia corse, c'est connu, tu vois, c'est connu. Pourquoi il a pas de fusil? Et ma mère m'a répondu. Premier degré. Pourquoi il aurait un fusil? C'est-à-dire que dans sa tête, de quelqu'un qui pense premier degré, ce qui est normal, tu vois, parce que le second degré, bon, c'est une forme d'abstraction du contexte de la phrase, mais dans sa tête, elle s'est dit, attends, un chat avec un fusil? Pourquoi? C'est bizarre. Un corps, c'est tout. Il y a la liaison qui se fait pas, et du coup, c'est trop drôle. Mais encore une fois, c'est même pas. C'est juste qu'on a pas le même humour de ce genre de choses. Ouais, vous êtes pas sur le même plan à ce niveau-là. Voilà, Internet m'a appris le second degré. Non, oui. Et elle, non. Bah, la télé n'apprend pas le second degré, apparemment. Bah après, c'est pas grave, tu peux faire. Si, ça arrive, mais je trouve que c'est effectivement la génération télé est quand même plus premier degré. Après, tu peux faire des blagues au premier degré aussi, ça marche tout aussi bien. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ce que tu as dit avec le un an de plus, ça te rapproche un an de moins vers la mort. Ouais. Non, c'était quoi? Un an de plus vers la mort. Ah, un an de plus vers la mort. Enfin, je sais plus, mais ouais. Okay. Et ça me rappelle un des premiers épisodes de The Office où. Michael Scott, donc le personnage un peu principal, doit écrire dans une carte de vœux pour un anniversaire. Ah, pour Meredith. Pour Meredith. Meredith. Et ouais, c'est vraiment très drôle parce qu'il veut trouver un truc drôle et genre, il dit vous imaginez si j'écrirais, je t'aime beaucoup. Bonne chance, Meredith, tu vas y aller, t'es une personne exquise. Ouais, après il fait. Et c'est genre le truc que moi je fais beaucoup, tu vois, des fois quand tu. Bah, on a déjà fait cette blague d'ailleurs. Ouais, ouais. Dans le podcast, quand tu parles d'amour, ce genre de choses, quand tu parlais du poème là, que t'avais fait avec Ben. Ah oui. Et j'avais fait. C'est vraiment la même chose, tu vois. Ça m'avait trop fait rire de voir qu'on avait fait la même blague. Ouais, et du coup, il veut trouver un truc marrant, mais sauf que tout ce qu'il trouve, c'est des trucs blessants. Ouais, du vraiment. Style, genre, il le lit devant tout le monde, il fait. Bah, Meredith, alors, si j'avais la moitié de ton âge, je serais déjà vieux. Et du coup, ça fait rire personne. Et fait attendez, j'en avais d'autres qui sont plus drôles et tout. En plus, à chaque fois, il les explique, tu vois. Ouais. Et quand t'expliques une blague, c'est qu'elle est pas drôle. Ouais, et du coup, il fait non, mais vous avez pas compris. Attendez, j'en ai une autre. C'est vraiment trop drôle. C'est ma série humorisée préférée. Ouais, moi aussi. Avec Parks and Rec. En troisième, je mettrais Community. Ouais. En ce moment, je regarde Atlanta et c'est vraiment bien. Atlanta. FX Prison. Atlanta. C'est avec Childish Gambino, enfin Donald Glover, et on va bientôt arrêter, ouais. Donald Glover, et c'est réalisé par Hiro Murai, qui est un. Le réal d'ailleurs de This is America et voilà. Les clips. Ouais. Voilà, c'est de Donald Glover, hein, qui est un excellent acteur qu'on retrouve d'ailleurs dans. Dans Community. Dans Community, au personnage de Troy, qui est un faux macho. Stupide et excessivement drôle. Ah oui. Mais Community est vraiment très bien, ça marche très bien. C'est un peu Breakfast Club pendant plusieurs saisons et beaucoup plus drôle. En plus, la saison, enfin en VF, elle passe vraiment bien. Ouais. Contrairement à beaucoup d'autres VF comme The Office qui est horrible. Et alors, la VF de The Office. Oh là là. Il y a quelque chose de pire que ça. Écraser une biche en voiture peut-être? La mort! D'une biche que t'as écrasé en voiture. Non, mais effectivement... la VF. Mais surtout, dans les trucs d'humour, c'est encore pire que tout, parce que des fois, ils t'enlèvent carrément des blagues. des jeux de mots en anglais ou alors des trucs et tout, et ils te les enlèvent parce que ça marche pas en français. Mais du coup, moi, ça me fait mal parce que même des fois, tu lis les sous-titres et t'entends ce que le gars dit, c'est pas ça. Ça me fait trop mal. Ouais, moi aussi. Parce que justement, l'humour, c'est tellement fin et spécifique que couper une phrase ou un mot, parfois, ça... Après, quand même, des fois, on a des doublages qui... même si ça marche pas en français, du coup ils trouvent une alternative et ils arrivent à trouver un bon truc. Par exemple, Pokémon, je trouve que ça marche. Ils ont traduit, parce que Pokémon, les noms des Pokémon, c'est que des symbioses, des fusions de plusieurs mots en fait. Ouais. Et Pikachu, attends. Mais en japonais ça marche. En français ils l'ont pas traduit parce que c'était un élément marketing, tu vois. Ouais. Mais tu as Dracaufeu, un dragon du feu, voilà. Alors évidemment, ça vole pas haut, mais en tant que tel, ça marche. C'est respecter l'esprit de la franchise, donc le travail est fait, tu vois. Et il y a plein de trucs, genre il y a un sorbet qui s'appelle Sorboule. Après, quand il évolue, ça devient Sorboboule. Parce qu'il y a deux boules. Mais alors, sa troisième évolution, c'est quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Sorboboule. Je crois que c'est Tricorné. Non, je sais plus comment il s'appelle. J'avais pas envie de dire Tricorné. Mais ouais, c'est très drôle, tu vois. Il y a quoi? Pois sirène. C'est un poisson et une sirène. Pois sirène. Oh, oui. Et en plus, la reine, tu vois. Parce que quand il évolue, poisson roi, tu vois. Ah. Donc, c'est. Ouais, il y a quand même un certain. Je trouve que le. Comment on appelle ça? La localisation des noms dans Pokémon est plutôt bien réussie pour un univers comme ça. Qui est très riche d'ailleurs, Pokémon. Vraiment très cool. Aujourd'hui, c'est malheureusement trop cantonné à l'objet marketing que c'est. Alors qu'il y a vraiment un univers là-dedans qui est assez impressionnant. Et on sait en plus, enfin, ça a été pensé par un gars qui était vraiment passionné. Donc ça, c'est cool. Puisque le gars a eu l'idée de Pokémon en capturant des insectes, des trucs comme ça. Il s'est dit, c'est cool. C'est cool. Quelqu'un qui est passionné. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah là là. Bah, comme Daniel Craig. On en revient toujours à Daniel Craig. Et on finira sur ça. Ouais. Daniel Craig, c'est quoi? C'est la passion. C'est la passion. Ça se voit que c'est quelqu'un qui adore ce qu'il fait, parce qu'il joue dans des pièces de théâtre ou parfois dans des films qui sont beaucoup plus intimes, tu vois, des films d'auteur, des trucs comme ça, à beaucoup plus petit budget. Alors qu'avec l'aura qu'il a aujourd'hui, il pourrait faire quasiment n'importe quoi. Il a les portes grandes ouvertes, tu vois. Et non, il fait ça. Et puis en plus, à ce qui paraît, c'est vraiment quelqu'un qui a la cool. Genre, il y avait une anecdote, je sais plus qui disait ça, mais sur les tournages pour détendre les gens lors de scènes un peu trop dramatiques ou de trucs comme ça, des fois ils pètent, tu vois. Et franchement, m'imaginer Daniel Craig péter, je me dis, c'est génial. Enfin, on n'a rien fait de plus beau que ça. De plus beau qu'un pet Daniel Craig. Ah ouais, c'est formidable. Bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais. C'est quand même le meilleur. C'est clair. La meilleure chose. Écoute, est-ce que t'as un James Bond à leur proposer parmi tous ceux qui sont sortis, hein. Ah ouais. Même Pierce Brosnan et tout. Celui qui m'a mis le plus une claque, je dois dire, comme beaucoup de gens, c'est Skyfall. Qui est magnifique. Qui est magnifique. Oh là là, quel film. En fait, j'étais un peu déçu de l'univers de James Bond parce qu'il y avait Quantum of Solace et j'avais moins aimé. Fais vraiment gaffe. Et en arrivant à Skyfall, j'ai adoré. Ouais. Voilà. Ouais, Quantum of Solace, c'est plus intimiste. Je peux comprendre que ça rebute certaines personnes. Eh bien, pour ma part, ça sera tous. Voilà, donc portez-vous bien. C'est le plus important. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Ouais. Bah, à la prochaine. Mais un truc par rapport à James Bond. Soyez créatifs.